say it's who I am. Who say papa, consolateur, to love him way. Redempte way. Bibos on me, yeah, way. Mwen reme gou, mwle sa vi gou, mwle viv pou gou. Bon Dieu, fidèl ou pa ki parey, ou toujou bon bon konsey. L'amou pou mwen etenel, plan ou pou mwen. Se bagay sakre, ou se fos mwen sou ma piye. Pa ou lou. Jwi ke mwen, mwen pou met pou mre tan pye, tout la bi mwen. Mwen adore, sa se kri ke mwen. Fè servizo, pou doutan genye tan. Nan prezan sou, nan mwen pran. Volonté au Seigneur, mais veux faire pour toute la vie. Toute la vie, oui, mais pour mettre, mais pour mettre toute la vie.